Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Mathilde Icard et Emilien Ruiz pour cette invitation et je me réjouis vraiment de cette occasion plutôt rare d'échanger avec des acteurs de la fonction publique, en tout cas des acteurs qui ne soient pas des enseignants, puisque j'ai souvent eu l'occasion d'échanger avec les enseignants sur ces travaux. Peut-être d'abord quelques mots sur la spécificité de mon approche, puisque moi je me suis intéressée, dans l'habilitation qui a été mentionnée, à l'ensemble de la fabrique du budget de l'éducation nationale depuis 1945, autrement dit, aux processus qui sont à la fois des processus politiques et administratifs, ces processus en jeu dans l'élaboration des différents documents budgétaires du ministère de l'Éducation nationale. Et ça va de questions très prosaïques, le passage du calcul à la main, l'arrivée de l'informatique dans les années 80, mais ça va aussi jusqu'aux aspects les plus politiques, les arbitrages de Matignon dans l'été. Et donc, j'ai étudié de manière plus fouillée dans les archives la période qui va de 1945 aux années 80. Et cette période, c'est là qu'on rejoint le thème de la séance, elle est marquée d'abord par la très forte croissance des effectifs scolaires. Ce que vous voyez ici, elle est particulièrement marquée dans les années 50 et 60, ce qu'on appelle l'explosion scolaire, qui est liée à l'arrivée des enfants du baby-boom dans les classes. On a un aperçu sur la natalité en France, au XXe siècle ici, et donc vous voyez ce baby-boom avec ces enfants qui affluent d'abord dans les écoles primaires, puis dans les établissements du second degré, mais l'augmentation des effectifs que vous avez vu sur le graphique précédent, elle est aussi liée à l'augmentation des taux de scolarisation, c'est la massification au niveau du collège, du premier cycle du second degré, c'est aussi l'élargissement des taux d'accès à des formations longues, le second cycle, enseignement supérieur. Pour donner juste quelques repères, on passe de 10 à 20% de bacheliers dans une génération entre 1960 et 1970. Et puis ensuite, à partir des années 1970, la croissance des effectifs ralentit dans le second degré et le supérieur. Et puis, le recul de la natalité entraîne même un déclin des effectifs dans l'enseignement primaire. Et donc, pour vous donner là aussi un repère, dans les écoles primaires élémentaires publiques, on compte environ, en 1975, 4,5 millions d'élèves. Et 10 ans plus tard, ils ne sont plus que 3,6 millions dans ces écoles primaires élémentaires. Et donc, vous voyez que les variations dans la démographie des publics, elles ont été constamment présentes dans la réflexion, dans l'élaboration du budget sur les décennies étudiées. Et ce que je voudrais faire dans cette intervention, c'est... Donc la diaporama suivante, merci. C'est préciser d'abord la place prise par la gestion des emplois dans la fabrique du budget de l'éducation nationale. Pourquoi c'est un problème aussi important et aussi complexe? Je vais ensuite présenter les outils dont se sont dotées les administrations pour évaluer, planifier les besoins de recrutement. Et puis enfin, j'évoquerai l'articulation précaire, bancale, hasardeuse entre la gestion prévisionnelle et les logiques politiques. Voilà, pour le programme de ces 30 minutes. Et je commencerai tout de suite donc par ce nœud gordien des emplois de l'éducation nationale. Alors vous savez bien que le budget de l'éducation nationale, c'est une pluralité de dépenses, des dépenses de personnel, des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'intervention, d'équipement. Chaque type de dépense a son histoire, mais c'est vrai que le problème des emplois est vraiment au premier plan dans la fabrique du budget. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un enjeu central pour les finances publiques. Et ça tient d'abord au poids de ces dépenses dans le budget du ministère. Et là, il faudrait même sauter de diapositive. Voilà, passer à la suivante. Merci. Ça tient donc au poids de ces dépenses dans le budget du ministère, un poids qui est déjà important en 1960, après la séparation entre éducation nationale et affaires culturelles. Les dépenses de personnel, c'est déjà... Alors là, vous avez les dépenses ordinaires, mais les dépenses de personnel dans les années en 1960, c'est déjà 60% du budget voté. Et puis, en 1974, on est à 75,2%. Du budget voté, et c'est un poids qui va s'accroître encore, qui s'accroît parce qu'en fait, l'effort d'équipement est quasiment à l'arrêt, et puis, en 86, on a le transfert des dépenses d'équipement aux collectivités locales. Donc en fait, le budget de l'éducation nationale devient de plus en plus un budget formé par des dépenses de personnel. Et puis, deuxième aspect dans cette question des finances publiques, c'est que si on regarde le budget de l'État dans sa globalité, c'est la rémunération des agents du ministère de l'Éducation nationale qui joue un rôle pilote dans la croissance des dépenses des personnels civils de l'État. C'est un point qui a été mis en valeur par Émilien Ruiz. Alors au début, c'est ce qu'on voyait dans la diapositive précédente, le pouvoir s'en glorifie. Vous voyez ici la manière dont le général de Gaulle, en 1965, se flatte de l'augmentation spectaculaire de cette armée des enseignants plus nombreuse que celle des soldats. Mais à la fin des années 60, ça devient en fait source d'inquiétude, ce nombre croissant d'enseignants. Et c'est dans ce contexte qu'on peut comprendre pourquoi les négociations sur le nombre d'emplois sont vraiment la pierre de touche et la pierre d'achoppement de l'élaboration des budgets. Alors ce problème, il est d'autant plus sensible, donc là vous avez ensuite la trajectoire des emplois qui vous montre bien la cassure qui s'opère à peu près au début des années 70. Ce problème, et c'est le deuxième aspect, ce problème il est d'autant plus sensible que ce volume d'emplois il est difficile à maîtriser. Et ici la notion de maîtrise, il faut la comprendre en trois sens. D'abord, maîtrise au sens de connaissance précise, statistique des effectifs. En fait, d'année en année, et là vous allez voir deux exemples, d'année en année, le diagnostic se répète. Alors en 1967, d'abord, c'est le contrôleur financier qui pointe les limites des informations détenues respectivement par la direction de la pédagogie des enseignements scolaires et de l'orientation, la direction des personnels d'enseignement et la direction de l'administration générale. Impossible d'agréger ces données pour avoir une vision claire du nombre d'enseignants sur le terrain. Et puis, 30 ans plus tard, vous avez un constat qui est assez similaire en 1997, c'est un rapport de la Cour des comptes qui constate qu'en fait c'est assez compliqué de compter exactement le nombre de titulaires de l'éducation nationale malgré l'arrivée des outils informatiques. Parce qu'en fait, l'informatique a certes changé les conditions de collecte et d'agrégation des données, mais elle n'a pas changé un problème central qui est l'hétérogénéité de ces données entre ce qui touche d'un côté aux emplois budgétaires, ce qui touche de l'autre au personnel et à leur carrière, et enfin ce qui touche au crédit de rémunération, et tout ça c'est très difficile de l'agréger encore dans les années 1990. Donc ça c'est le premier aspect de cette impossible maîtrise, c'est la connaissance statistique. Le deuxième aspect, c'est le caractère assez lâche entre l'autorisation budgétaire et ce qui se passe sur le terrain. Et c'est un phénomène alors qui tient d'abord à des processus transverses à toute la fonction publique et notamment aux libertés que donne la possibilité, alors plus ou moins orthodoxe, de recruter des auxiliaires sur des crédits de remplacement. Donc là, il y a tout un jeu, toute une marge qu'on peut retrouver, je pense, dans d'autres corps. Mais dans ce lien incertain entre la décision budgétaire et ce qui se passe sur le terrain, il y a aussi des aspects propres à l'éducation nationale. Et d'abord, bien sûr, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, pourquoi ? Parce que, tout simplement, je vais citer quand même ce directeur des affaires financières en 1973, qui s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Il est certain que la consigne donnée d'une façon permanente depuis plus de 20 ans et à tous les niveaux de la hiérarchie d'assurer à tout prix la rentrée scolaire, c'est-à-dire éventuellement en dépassement des emplois autorisés, a créé des habitudes qui sont, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'opposé de la rigueur qu'on attend traditionnellement des gestionnaires du budget de l'État. Et c'est quelqu'un qui vient du ministère de l'Éducation nationale qui parle, ce n'est pas la direction du budget. Donc, un lien lâche entre autorisation budgétaire et ce qui se passe sur le terrain, qui tient aussi aux difficultés assez difficiles à résorber liées à ce double calendrier, puisqu'il y a une première série d'annonces qui sont liées aux postes ouverts au concours de recrutement des enseignants du premier ou du second degré, et ensuite il y a des décisions budgétaires sur les emplois qui sont créés, et là vous avez deux calendriers un peu discordants qui là aussi sont source de surnombre, de désordres divers. Alors c'est aussi ce qui explique l'intérêt précoce du ministère de l'Éducation nationale pour des dispositifs de contrôle des emplois. Et il y a là une initiative qui est une initiative d'abord interne à l'Éducation nationale. Le contrôle des emplois est mis en place dans ce ministère en 1973. C'est d'ailleurs l'objet de la note du directeur des affaires budgétaires et financières que je viens de vous citer. Et puis ce contrôle interne, il est aussi là parce qu'on cherche à se prémunir du regard de la direction du budget qui, elle aussi, veut mettre et va mettre en place un contrôle des emplois transversal, hein, cette fois. Et ce sont ces initiatives, hein, qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle national des emplois. En tout cas, le constat à la fin des années 90 est encore assez peu probant, hein. C'est un constat qu'on trouve là dans un rapport de commission d'enquête du Sénat de 1999, hein, dans lequel on constate que le contrôle national des emplois n'a pas vraiment toute l'efficacité souhaitée. Et là encore, on bute, hein, sur l'incompatibilité des données, la difficulté à les agréger. Donc, difficile maîtrise, difficile connaissance statistique, il y a un certain entre décisions budgétaires et ce qui se passe sur le terrain. Et puis, troisième élément, parler d'impossible maîtrise, c'est aussi pointer l'écart, très irritant, entre l'affectation des emplois sur le terrain et les objectifs affichés par les politiques éducatives. Et ça, c'est le constat un peu navré de la Cour des comptes à l'issue d'une série de rapports sur la gestion des emplois d'instituteurs en 85, 86 et 87. Elle constate à l'issue de cette enquête que l'augmentation des emplois dans le premier degré, hein, entre 1974 et 1985, à un moment où les effectifs chutent, eh bien, curieusement, ça n'a pas vraiment servi, dans les proportions attendues, les objectifs affichés par le gouvernement en termes de scolarisation dans l'enseignement préélémentaire, de disparition des classes surchargées, etc. Et ça pour des raisons qui sont liées en partie aux contraintes de la gestion départementale du corps des instituteurs. Donc on voit que ce problème de maîtrise des emplois, dans cette triple signification que je lui ai donnée, c'est une constante des débats budgétaires et c'est évidemment à l'arrière-plan de la réflexion sur la gestion prévisionnelle. Et puis le dernier élément qu'il faut mentionner ici, c'est le fait que la relation entre la démographie et les besoins en emploi dans l'éducation nationale, donc ça c'est le troisième point de cette première partie, eh bien c'est une relation qui n'est pas du tout linéaire, comme on pourrait l'imaginer quand on lit les articles de presse, il y a moins d'enfants, il faut moins d'enseignants. Et non, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple pour plusieurs raisons. D'abord parce que la relation entre la taille des classes d'âge et les effectifs scolaires, eh bien, elle n'est pas fixe. Les taux de scolarisation varient. Et souvent, une période de déclin démographique est mise à profit pour augmenter les taux de scolarisation en amont ou en aval de la scolarité obligatoire, donc dans le préélémentaire, puis dans l'enseignement du second cycle, du second degré. Et cette relation entre la taille des classes d'âge et les effectifs d'élèves, elle varie aussi en fonction du taux de redoublement. Et ça, les taux de redoublement élevés, vous le savez, hein, c'est une pratique courante, massive dans l'enseignement français dans les années 1960, dénoncée dès cette époque pour son coût et son inefficacité. Et donc la diminution tendancielle du redoublement dans le premier degré puis dans le second degré a aussi permis de réduire les effectifs scolaires indépendamment de tout phénomène démographique. Donc relation compliqué avec la démographie, compliqué aussi parce que le coût en emploi des réformes qualitatives et de la politique des personnels joue un rôle et vient aussi complexifier cette relation entre démographie et emploi d'enseignants. Alors l'exemple le plus classique, vous le connaissez, c'est la question de la réduction de la taille des classes, hein, mais on peut penser aussi au remplacement des enseignants pendant les temps de formation continue. En fait, il y a toute une série de mesures qualitatives qui peuvent avoir pour effet d'augmenter le nombre d'emplois nécessaires indépendamment des variations des effectifs d'élèves. Et puis, troisième et dernier aspect, ce sont tous les arbitrages relatifs au maillage du territoire scolaire qui, évidemment, jouent un rôle central dans la définition des besoins en enseignants. Alors, on part de l'héritage de l'école de Jules Ferry avec ce tissu très dense d'écoles dans chaque hameau et c'est intouchable dans les années 20. Et puis dans les années 50 et 60, le développement du ramassage scolaire, hein, rend possible une réorganisation de ce maillage et s'accompagne de suppression d'écoles. Donc, pour schématiser et pour synthétiser ce premier constat, on voit que la question des emplois à l'éducation nationale est liée à des enjeux financiers majeurs, que la maîtrise de ces emplois elle est toujours incertaine et qu'enfin, il y a une pluralité de paramètres en jeu dans la définition de ces besoins. Vous imaginez bien que pour définir une politique, une gestion prévisionnelle des besoins de recrutement, la tâche n'est pas simple. Alors, comment l'administration s'en est-elle accommodée de ces défis-là ? Quels outils ? Eh bien, là, on peut distinguer trois temps. Le premier temps, c'est celui de l'explosion scolaire. À cette époque-là, c'est le commissariat général au plan qui est à la manœuvre. Donc au début, le commissariat général au plan a des préoccupations essentiellement économiques. Et puis, en 1951, création d'une première commission d'équipement scolaire, universitaire, artistique et sportif, qui a pour premier objectif d'évaluer les besoins, non pas en enseignants, mais en équipement scolaire. Combien de places à construire pour accueillir les élèves du baby-boom, pour tenir compte aussi du déplacement des familles, des campagnes vers les villes. Alors, à partir du troisième plan, hein, grosso modo celui qui va s'occuper de la période 58-61, on va avoir des travaux de plus en plus fins dans le cadre du plan pour compléter l'analyse des besoins d'équipement par une analyse des besoins en termes de recrutement des enseignants. Avec un raffinement croissant du troisième au cinquième plan, donc le cinquième plan, celui qui porte sur la période 1966-1970, on peut observer, en regardant les rapports du plan, le fait que la réflexion s'affine, qu'on tient compte de plus en plus de paramètres, qu'on répartit les projections par discipline et sous-discipline en fonction du type d'établissement. Avec, en fait, à l'arrière-plan, donc on le voit, voilà, pour le plan 62-65, puis pour le plan 66-70, avec à l'arrière-plan, en fait, une double préoccupation. Bien sûr, déterminer les besoins supplémentaires en professeurs, puisqu'on est dans une période de croissance des effectifs, mais aussi réfléchir aux moyens propres à assurer leur recrutement au regard de l'écart qui persiste jusqu'au milieu des années 60 entre les besoins et les flux de licenciés, de diplômés de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est une première phase dans laquelle, en fait, la gestion prévisionnelle, on n'emploie pas encore ce terme, c'est d'abord l'anticipation d'une phase de croissance et l'accompagnement, la réflexion pour cadrer cette croissance au mieux et pouvoir prévoir les expédients qui permettront de franchir ce cap de l'explosion scolaire. Et en fait, cet aspect de la planification, et c'est mon deuxième point, il va régresser dès le sixième plan qui est préparé en 1969 pour la période 71-75. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez ce plan, ce rapport plus exactement, ce que vous trouvez sont des éléments beaucoup plus sommaires que dans les rapports précédents. La réflexion est beaucoup plus embryonnaire en termes de recrutement, et ça s'explique sans doute par toute une série de mutations qui marquent l'entrée de l'éducation nationale dans un nouveau régime de croisière. Alors, la première chose, c'est que l'augmentation des emplois d'enseignants, elle ne va plus vraiment de soi dans la sphère politique. Elle ne va plus de soi parce que la vague démographique est absorbée ou sur le point d'être absorbée, parce que la poursuite de l'expansion scolaire, la prolongation de la scolarité obligatoire, non plus à 16 ans comme ça a été décidé en 59, mais à 18 ans, ce qui est réclamé par certains à gauche, ça ne fait pas consensus. Et puis, les marges données par la réduction du personnel militaire sont épuisées. Et c'est aussi dans cette manne qu'avait, on l'a vu hein, dans le prospectus, dans la brochure de campagne de De Gaulle, c'est dans cette manne qu'on avait puisé pour recruter des enseignants, et là, il n'y a plus de manne. Ensuite, et ça aussi, ça joue dans l'évolution des travaux du plan, dès la fin des années 60, les flux de licenciés sont suffisants pour couvrir les besoins, quels que soient les volumes recrutés pour chacun des concours. Et donc, on n'a finalement plus vraiment besoin d'anticiper de problèmes de recrutement, puisqu'on est à peu près assuré de pouvoir recruter qui on veut. Et enfin, les problèmes que rencontre à ce moment-là la gestion des personnels dans l'éducation nationale sont d'une nature un peu différente. C'est finalement le sort des auxiliaires, des maîtres auxiliaires, qui va passer au premier plan, avec un équilibre assez délicat à trouver entre les étudiants qui vont sortir des universités et les auxiliaires déjà en poste. Est-ce qu'on les maintient dans l'emploi ? Est-ce qu'on les renvoie chez eux pour pouvoir recruter par des concours des jeunes diplômés ? Et puis, c'est aussi à ce moment-là hein, qu'on change de phase dans la réforme du système éducatif. La question des effectifs et des structures était dominante au début des années 60. À la fin des années 60, c'est la question de la rénovation pédagogique qui prend le pas. Et là aussi, ça pose une série de questions qui échappent en réalité au périmètre des travaux du plan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien la manière dont ce reflux du plan dans la conception, dans les prévisions des politiques de recrutement du corps enseignant, ce reflux du plan, il a une traduction assez directe dans les discussions budgétaires qui sont très très bien documentées pour la période qui va de 1970 à 1974. Et ce qu'on voit, c'est en fait le flou complet qui préside aux discussions entre l'éducation et les finances et la logique de marchandage qui l'emporte, aussi bien au moment de la préparation de la loi de finances initiale qu'au moment du collectif, voire à la rentrée scolaire. Donc on a une discussion qui se fonde sur des éléments proprement rudimentaires. Et c'est cette réalité-là, un peu désolante, quand on compare avec le degré relativement fin élaboré des projections du plan dans la décennie précédente, c'est cette réalité un peu désolante que découvrent sans doute un peu effarés les élèves de la promotion Léon Blum de l'ENA, qui sont chargés d'enquêter en 1974 sur la gestion des recrutements dans le cadre de leur séminaire de deuxième année. On leur doit l'ébauche d'un premier modèle de gestion prévisionnelle des emplois, gestion prévisionnelle des recrutements. Et compte tenu de la thématique de la séance, je me suis dit que ça valait la peine de s'y arrêter un peu. Alors, pour resituer cette production, en fait, dans le cadre de leur séminaire de deuxième année, chaque promotion de l'ENA, de la filière administration générale, doit travailler sur un objet commun, divisé en plusieurs thèmes, confiés chacun à des petits groupes. Et là, en 1974, la promotion Léon Blum a choisi comme thème la politique éducative. Et dans ce cadre, il y a une dizaine d'élèves, encadrés par Jean Desgoux, directeur du personnel enseignant du ministère de l'Éducation nationale de 1969 à 1974, qui s'est donné pour objet la question du recrutement et de la politique des personnels. Et pour mener à bien ce travail, ils ont enquêté auprès des services du ministère et bénéficié d'un accès de première main à des données statistiques, ainsi qu'au point de vue des différents services. Alors ce que je vous projette ici, c'est un peu petit, hein, mais c'est le sommaire de leur mémoire, où vous pouvez voir en titre 1, conditions, principes, objectifs d'une gestion prévisionnelle des recrutements. En titre 2, la gestion prévisionnelle des recrutements, instrument de définition d'une politique des personnels. Ce sur quoi je voudrais revenir maintenant, c'est la manière dont ils envisagent cet outil dans leur conclusion. Ils lui donnent trois fonctions. Première fonction, ils y voient un instrument de définition concertée d'une politique des personnels enseignants. Et ça, cet aspect, en 1974, c'est complètement neuf par rapport à ce qui se faisait dans les travaux du plan. C'est-à-dire qu'ils veulent envisager conjointement les besoins en enseignants qui sont liés à la progression des effectifs et qui sont liés aussi au choix de politique éducative, et puis ce qu'ils appellent les besoins des enseignants. Autrement dit, la politique des personnels, à un moment où vous avez de nombreuses revendications professionnelles qui portent sur la réduction du temps de service pour certaines catégories. Il faut s'imaginer que l'éducation nationale à l'époque a beaucoup de corps enseignants avec des obligations différentes. Et puis vous avez aussi des revendications qui portent sur la résorption de l'auxiliariat. Et en fait, une des nouveautés de cette approche, hein, c'est de vouloir appréhender ensemble besoin des enseignants, besoin en enseignants. Deuxième fonction donnée à ce modèle par les élèves de l'ENA, c'est qu'ils y voient un instrument de rationalisation de la négociation budgétaire. Alors c'est l'exact contrepoint de ce qu'ils ont dû observer et dont on trouve la trace dans les sources. Hein. Pour eux, cette espèce de marchandage pour définir ce que seraient les besoins minimums de l'éducation nationale, c'est impensable. Il faut se donner les moyens de départager ce qui relève de besoins minimums en deçà duquel l'éducation nationale se dégraderait, des besoins qu'ils qualifient de non négociables, et puis des besoins supplémentaires qui seraient liés à la politique des personnels ou aux choix de politique éducative, et des besoins qui seuls relèveraient des choix politiques. Et puis, troisième fonction qu'ils donnent à ce modèle, ils y voient un instrument de planification de l'évolution du système éducatif, hein, qui permettrait d'étaler dans le temps les améliorations demandées par les syndicats. À quelle allure réduire la taille des classes, pour quelle cible aussi, 15 élèves, 25 élèves, hein. Et donc, ils envisagent ainsi une trajectoire qui conduirait à ce qu'ils appellent un optimum, et c'est aussi à cette fonction-là qu'ils assignent à leur outil. Ce qui est amusant, c'est que le mémoire ne passe pas du tout inaperçu. Alors, vous avez là l'extrait d'une note du directeur des affaires financières, toujours Alain Blanchard, qui se saisit de cette occasion, qui se saisit en fait de l'audience qu'a le rapport dans la presse. Il lui a été transmis par les syndicats, on en parle un peu partout, et il se saisit de cette occasion pour dénoncer les lacunes, ce que vous avez ici, il dénonce les lacunes, l'absence en fait à l'administration centrale d'un modèle de gestion prévisionnelle comparable à celui que proposent dans leur rapport de 1974 les élèves de l'ENA. C'est donc bien cette période, un moment de bascule sur deux plans, d'abord parce que il y a bien un effort au sein des services pour reprendre, dans un cadre différent de celui du plan, ce travail d'anticipation, de gestion prévisionnelle des recrutements. Et on sait qu'au début des années 80, l'administration a bel et bien un modèle visant à ajuster les recrutements certifiés et agrégés aux besoins à échéance de 10 ans. Et dans le même temps, c'est aussi, et ça c'est important, c'est aussi l'amorce, et dès les années 1970, d'un mouvement de déconcentration d'un certain nombre de décisions relatives à l'allocation des emplois sur le terrain, avec une marge plus grande laissée aux rectorats et aux établissements. Une tendance qui, bien sûr, se confirme dans les décennies suivantes. Donc on a bien ce cadre qui nous est familier, avec d'un côté un effort de clarté statistique, d'anticipation, et de l'autre, des formes de souplesse dans la gestion qui vont petit à petit s'inscrire dans le cadre de la contractualisation. Alors, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments sur les outils employés par l'administration pour prévoir les recrutements. En revanche, et ce sera mon dernier point dans cette présentation, en revanche, ce que montrent bien les archives, c'est la manière dont la raison politique vient heurter de plein fouet cette approche gestionnaire des emplois de l'éducation nationale. Et oui, parce qu'en fait, les choix politiques n'ont pas vraiment la forme envisagée en 1974 par les élèves de l'ENA. Autrement dit, il ne s'agit pas pour le gouvernement d'aller arbitrer entre une série d'options précisément identifiées et chiffrées par l'administration de l'éducation nationale à partir d'une seule pesée des problèmes internes à ce ministère. Et oui, parce que lorsque les politiques effectuent leurs arbitrages, interviennent bien d'autres considérations étrangères à l'éducation nationale, et qui peuvent être liées à des considérations électorales, mais aussi qui reflètent la dimension transversale de la politique du gouvernement. Alors je vais en donner trois exemples qui reviennent de manière très récurrente dans les archives. Et d'abord, le problème du chômage. Le chômage, il pèse lourdement sur les décisions prises en matière de création d'emplois. Alors il pèse évidemment de manière indirecte, parce qu'on a pu, dans différents contextes, notamment dans les années, au début des années 1980, augmenter délibérément les taux de scolarisation dans le second cycle pour retarder l'entrée des jeunes sur le marché du travail dans un contexte économique difficile. Et là, évidemment, pour accueillir ces jeunes, il faut créer des emplois. Et ça peut être aussi ce lien entre chômage et création d'emplois beaucoup plus direct, puisqu'on peut choisir de créer des emplois pour protéger, préserver les jeunes diplômés du chômage. Alors la droite se prête à ce jeu. Elle s'est prêtée à ce jeu, par exemple, à la rentrée 1977 pour éviter le licenciement des auxiliaires, puisqu'ils étaient en nombre trop important par rapport à l'afflux des jeunes issus des concours. Et donc il y a tout un système, le principe du maintien dans l'emploi des auxiliaires rémunérés par des crédits de remplacement à l'encontre de toute orthodoxie budgétaire est validé dans l'été 1977. Ce qu'on peut constater, c'est que la droite, en tout cas, se refuse à créer des emplois de titulaires. Et ça, c'est un frein que lève les socialistes, puisque François Mitterrand, en 1980, dans un contexte économique très morose, marqué par l'augmentation rapide du taux de chômage, et notamment du taux de chômage des jeunes, eh bien, François Mitterrand a fait campagne en annonçant la création de 210 000 emplois, dont 150 000 au budget de l'État. Et les archives, aussi bien les archives de la direction du budget que celles des conseillers de Pierre Mauroy, ne laissent aucun doute sur l'ordre des priorités. On crée des emplois, et on crée notamment des emplois d'enseignants, hein, plus de 31 000 emplois pour l'enseignement scolaire entre le collectif de 81 et le budget de 1982, mais on crée des emplois pour réduire le chômage, au risque de créer de très très fortes perturbations, et ces perturbations, on les observe ensuite dans l'organisation de la formation initiale des instituteurs, déjà, mais aussi dans le mouvement des enseignants du second degré. Donc on imagine, alors j'ai pas vu les archives, mais on imagine la manière dont cette décision vient percuter le patient travail de gestion prévisionnelle qui s'était mis en place depuis la fin de la décennie précédente. Donc chômage hein, qui vient perturber la gestion prévisionnelle. Et puis le deuxième aspect, c'est le fait que les dirigeants tranchent en étant attentifs aux messages politiques véhiculés par les annonces de suppression ou création d'emplois. Alors cette dimension politique, on la voyait déjà évidemment dans la brochure du général de Gaulle en 1965. Ça n'est plus vraiment un enjeu pour la droite dans les années 1970, mais c'est encore une thématique endossée par la gauche. Comme le note en 1983 le directeur du budget Jean Choussa, les créations d'emplois sont le seul élément mesurable de la priorité légitime reconnue à l'éducation nationale. Et ce qui est très troublant quand on regarde les archives, et là je ne peux pas vous les projeter parce que souvent elles sont, voilà, on ne peut pas les reproduire, eh bien on voit très souvent fait mention de créations d'emplois qualifiées de politiques ou d'électoraux. Alors, ce qui a changé sans doute depuis le début des années 2000, c'est que face à ces créations d'emplois mises en avant pour des raisons politiques, on a désormais aussi la question de la suppression d'emplois dans l'éducation nationale qui peut être vue comme un marqueur du sérieux dans la gestion des finances publiques. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec la révision générale des politiques publiques. Et donc, on a assisté entre 2007 et 2017 à une polarisation sans précédent, polarisation politique sans précédent de la question des emplois qui s'est traduite par de violents coups de barre. Troisième élément, troisième aspect de cet usage politique des emplois de l'éducation nationale, c'est la réticence des dirigeants devant le coût politique des rééquilibrages. Parce qu'évidemment, si on raisonne à partir d'un modèle de gestion prévisionnelle des emplois, on voit toujours comment mieux répartir à l'avenir, mieux répartir entre premier et second degré, mieux répartir sur le territoire, et donc rééquilibrer. Et ce rééquilibrage, il est toujours politiquement extrêmement difficile, et difficile notamment parce que le gain politique qu'on peut retirer de l'amélioration de telle ou telle situation, il est rarement, voire jamais compensé par le coût politique qui résulte de la dégradation d'une situation, quand bien même il s'agirait d'un simple retour à la moyenne. Et là, je trouve que je voudrais reprendre une distinction intéressante que fait le journaliste Bruno Frappin en 1978 en commentant la rentrée scolaire. Il essaye de distinguer ce qu'il appelle les fausses bavures, donc on a une dégradation de la situation dans une école, mais ça correspond à un retour à une moyenne, donc c'est une fausse bavure, c'est l'application des normes, et puis les vraies bavures, celles qui résultent de l'insuffisance des moyens donnés aux écoles au regard des objectifs affichés. Le problème, c'est que vraies ou fausses bavures, eh bien ces bavures, elles créent du mécontentement, suscitent la mobilisation des syndicats, des enseignants, c'est ce qui forme l'arrière-plan d'une rentrée politiquement ratée. Et donc la réticence des politiques, on l'observe tout particulièrement bien quand on regarde ce qu'a donné l'expérience du ministre Christian Belac, qui est à la tête de l'éducation entre 1978 et 1981, et qui reçoit du Premier ministre Raymond Barre une double consigne, pas de réforme, pas de moyens supplémentaires. Et donc il s'emploie à assurer le plein emploi des moyens, c'est-à-dire à tout de même chercher à atteindre des objectifs nouveaux, en redéployant, en modifiant l'allocation des moyens existants pour atteindre de nouveaux objectifs. Alors on a là déjà la perspective offerte par une baisse de la démographie, on s'imagine pouvoir récupérer d'abord 25 000 emplois d'instituteurs, puis bientôt les ambitions sont revues à la baisse, peut-être 16 000 emplois d'instituteurs. En fait, les résultats, en dépit du soutien à première vue que Raymond Barre apportait à cette politique, les résultats vont être bien en deçà de ses cibles, et notamment en raison des réticences du chef du gouvernement, de Raymond Barre, qui ne souhaite pas afficher de transfert d'emplois du premier degré vers le second degré, là où les effectifs augmentent. On a donc une situation dans laquelle, au moment des arbitrages, viennent se heurter d'un côté la logique de la gestion prévisionnelle, de l'autre des considérations qui lui sont complètement étrangères, avec des choix qui reflètent cette articulation souvent bancale. Alors, face aux limites des décisions qui sont prises au coup par coup, on peut penser, et il a souvent été dit, que la programmation pluriannuelle offrait une solution plus satisfaisante, parce que c'est à la fois un objet politique, donc qui présente un intérêt, elle est affichée, diffusée, commentée, et puis en même temps, c'est un objet qui permet d'encadrer un peu, d'éviter les à-coups. Et on pourrait faire l'inventaire des tentatives, mais comme je suis déjà un peu longue, je ne le ferai pas, mais bref, si quand même, Alain Savary en 1982, qui cherche à arracher une loi de programme, qui n'y parvient pas. En 1988, Lionel Jospin, il voulait une loi de programmation pour l'éducation. Il lui faut se contenter d'une loi d'orientation, mais dans laquelle on prévoit, article 16, un plan de recrutement des personnels, ce qui n'est pas concrétisé. Et puis on voit aussi cette expérience, enfin cette idée revenir avec le nouveau contrat pour l'école de François Bayrou, où en mars 2000, l'idée de plan pluriannuel de recrutement lancé par Lionel Jospin. En fait, toutes ces tentatives, même si l'étude précise, et ça sort de la période que j'ai étudiée à partir des archives, donc je ne voudrais pas trop m'avancer, mais le bilan reste à faire, mais dans l'ensemble, c'est plutôt décevant. C'est plutôt décevant, on le voit bien, d'abord en raison de l'alternance politique qui vient d'un coup percuter ce qui pouvait avoir été envisagé. Mais il faut compter aussi avec l'hostilité des finances, qui rejette par principe tout ce qui tend à figer la trajectoire des finances publiques. Il faut compter aussi avec les réserves du chef du gouvernement, qui n'a pas forcément intérêt à annoncer d'emblée tout ce qu'il est prêt à concéder, parce qu'on sait qu'il y aura surenchère. Et puis il faut compter aussi avec la difficulté, qui est particulièrement marquée depuis 20 ans, à assumer clairement une programmation lorsque la progression des moyens est de toute façon limitée par la situation des finances publiques. Et donc, dans ce contexte, les essais de programmation n'ont souvent été que des faux-semblants qui laissent dans l'ombre les points les plus critiques, création nette ou création brute, recrutement ou emploi. En fait, on a des outils qui jouent à dessein sur l'ambiguïté et qui ne proposent pas une solution satisfaisante à la question de savoir comment on peut réconcilier la gestion prévisionnelle et la politique. Je terminerai en conclusion avec quelques réflexions. Première réflexion sur le fait, et là j'en donnerai quelques exemples, sur le fait que l'administration est sans doute beaucoup mieux outillée aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les périodes que j'ai étudiées à partir des archives. Alors certes, le vaste chantier de Sirène qui a été lancé en 2007 s'est conclu en 2018 par un échec retentissant, le Sirène, le système d'information des ressources humaines de l'éducation nationale. Bon, ça n'a pas fonctionné. En revanche, ce qui a fonctionné, c'est la base statistique des agents. Projet moins ambitieux, puisque sauf erreur, ça ne permet pas de gérer la paix des agents, mais ça a quand même, je pense, permis d'améliorer la description statistique des personnels enseignants. Alors, on mesure le chemin parcouru depuis les critiques des années 1960, un raffinement croissant de données. Est-ce que ça signifie que la question de la maîtrise des emplois est résolue ? En fait, ce qui est assez intéressant quand vous regardez l'évolution des dernières années, c'est que ce problème de maîtrise des emplois au sens de connaissance, mais aussi de lien entre la décision et ce qui se passe sur le terrain, on l'a vu ressurgir, non pas tant à propos des enseignants, mais à propos des personnels accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, qui étaient au départ hors titre 2, qui sont maintenant quasiment pour leur totalité sur le titre 2. Enfin, là, on a vu ressurgir toute une série de problèmes très, très familiers quand on s'est intéressé à la question des auxiliaires de la fonction publique. Et La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est est-ce que ça a permis cette meilleure connaissance d'établir un partage plus clair entre les besoins indiscutables et les choix soumis à l'arbitrage politique, entre ce qui est possible et nécessaire et ce qui est souhaitable? Je ne suis pas vraiment sûre de ça quand on regarde par exemple les extraits de cette note. Alors, il faut sauter deux, il faut prendre la suivante encore. Voilà, celle-là. Cet extrait de la revue de dépenses, évidemment, on ne va pas tout lire, mais ça m'a fait rire parce que ça m'a semblé, hein, cette revue de dépenses toute récente, 2024, hein, me fait ressurgir ces antagonismes entre la direction du budget et le ministère de l'Éducation nationale sur la capacité à récupérer des emplois, maintenant des emplois de professeurs des écoles, au regard de l'évolution démographique. Bref, on retrouve des jeux de rôle et des dissensions assez familières. Mais je crois que le plus frappant, et je terminerai avec cette remarque, le plus frappant, c'est sans doute l'écart de plus en plus marqué entre, d'un côté, la focalisation du débat sur les chiffres inscrits au budget de l'État, ce qu'on a pu observer ces dernières semaines à propos des débats sur le budget de l'enseignement scolaire, et donc avec derrière une simplification des enjeux, et puis de l'autre, une complexité croissante dans la gestion qui est liée à la fois à l'autonomie des échelons déconcentrés et puis à la complexification des politiques éducatives. Donc on a un écart sans précédent entre la simplification du débat public et puis la complexité de l'action publique. Ce n'est pas pour plaider en faveur d'une disqualification du politique, hein, mais c'est plutôt une invitation à réinventer des espaces, de débat qui permettraient un plus large partage des enjeux budgétaires dans leur complexité. Merci de votre attention.